Yo, do business. Yeah. Comme une hirondelle, je vole avec mes ailes. Puis je plane dans les airs, tout le monde les met en l'air. Les MC ne font pas peur, mais moi je suis un dealer. Assis-toi sur un lion, mais viens pas tester une business. Le rap m'a accueilli, m'a dit bienvenue dans le game. J'délire et dire des blagues et aussi chang et j'pose mon couplet. T'inquiète, ce n'est pas la nitro, t'inquiète, j'suis pas un mytho. Les meufs me font tourner la tête du matin au soir. J'ai trop de souvenirs que dans ma tête ça explose. Je pose mon couplet dur, puis toi tu l'exposes. N'envoie pas des appâts si t'as pas de business. 13 OYPM, c'est qui money, money. Mon flow te fait la hesse, mais ce n'est pas encore la guerre. Rap 615, je représente Panam City. Pour ceux qui me connaissent pas, alias Imekwa 97615, ma Yana. Business money, young business money. Business flow, 13 OYPM. Écoute bien le gros, ces paroles c'est un vrai crime. Le PPT le sang, c'est là où je trouve mes rimes. Tu cries, tu me vois pas normal, j'suis un GLM. Mon end de bank, Young B, c'est mon totem. Mets-toi dans le noir, c'est avec moi, t'as un problème. Tu me connais, c'est normal, pourtant j'ai pas fait jeune talent. Détourné, tu crois, malfrat, t'es un seul fort boy, easy black. Young B, easy black, dans le game, j'suis DH. Toujours là pour du cash, money, money. Black Ice que je suis, soit tu meurs ou tu suis mon devise, comme tu vois, mec. Yeah. Mon pouvoir et mon savoir me l'a enlevé, tu penses pas. J'te conseille, t'as pas le choix, alors évite de t'asseoir. Nous on se trouve tout en haut, 13 OYPM, Young Business Lyonnais. Casse-toi avant tu perds la vie, je veux plus m'en aller. Je m'arrange, j'ai découvert le rap. Je pose jamais une défaite, tu fonces vers le bas. Fais briller de l'or, ne t'amuse pas dehors. Car les MC sont trop forts au sens du rythme. Rap 9, 7, 615, 13, OI, Mekwane, FAI. J'irai dans la vita, je tiens mes forces à deux reprises. Empire, capital, Massiwa, tiens-toi prêt pour une paye. Laisse-les parler, j'irai annuler l'appel. Ok, cette fois tu te crois permis. Les jaloux vont crier famille. Papi, pas ci, pas ça. Arrête de fumer, négro, sinon ta gueule, poteau. Tu dis 1, 2, 3, tu me connais. 13, OYBM, regarde autour, c'est ma cité. You business, part de monnaie. FAI, Imekwane, DH, Lille Monnaie, parlant de business. Young business money, young business money, young business money, young business money, young business money, young business money, young bitches on the money, bitches on the money, baby, bitches on the money, bitches on the money, bitches on the money, bitches on the money, baby, bitches on the money, bitches on the money, business money, young business money, young business money, young baby, young business money, young business money, young business money, young baby, young business money, young business money, young business.